بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فهذه كلمات أذكر بها نفسي وإخواني بجيل ينبغي أن تكون معه القلوب وأن تكون معه السلوك والأخلاق والعقائد ذاك جيل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اقتداؤنا بهم يجلب لنا السيادة والتخلق بأخلاقهم يأتي لنا بالقيادة وحبنا لهم يأتي لنا بالسعادة. Donc, chers frères, aujourd'hui, nous allons parler à propos d'une génération qui a marqué l'histoire de l'humanité. C'est la génération des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le musulman doit toujours avoir à son esprit et prendre comme modèle la génération des compagnons prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ça soit dans la croyance al-aqida ou que ça soit dans l'ibada, dans les adorations, ou que ça soit il mu'amalat ou al-akhlaq, dans le comportement, parce que imiter les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous apportera que la puissance, que l'autorité, la domination, la suprématie et le bonheur dans cette vie et dans l'autre. وما ابتلي المسلمون اليوم إلا بتنكبهم عن طريقة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومنهاجهم فألفنا الذل والمهانة وأصبح العز صعب المنال وأصبح العز صعب المنال وتداعت علينا الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها وطمع فينا الطامعون وتنازع علينا الكفرة المشركون وتسابقوا لاستعبادنا وغزونا ونهب خيراتنا وإشعال لهيب الفتن بين أبناء أمتنا. Et malheureusement aujourd'hui, les musulmans ont été éprouvés du fait qu'ils se sont écartés de la voie des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de leur chemin et de leur compréhension de l'islam. Et la conséquence a été la domination, l'abaissement et l'humiliation. Au point où Al-Iz, la puissance, est devenue difficile d'accès. Et les communautés se sont abattues sur nous comme les gens affamés s'abattent sur un plat. Au point que les gens ont voulu faire du mal à cette communauté. Et ils se sont empressés à les dominer, à piller leurs biens et à voler leurs biens. Et ils ont laissé chez les musulmans la fitna entre les musulmans. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa innahu ya ibadallah. لا ينجينا مما نحن فيه من بلاء إلا أن نعود لكتاب ربنا ولسنة نبينا على طريقة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. Et sachez, mes frères, que rien ne nous épargnera, rien ne nous permettra d'être sauvés de l'épreuve dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, et l'état dans lequel se trouve la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est en revenant au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, en revenant à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en s'attachant à la voie, au chemin, à la compréhension et sur les pas des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ذلك الجيل الذي قال الله فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ذلك الجيل الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ذلك الجيل الذي قال فيه ابن عمر رضي الله عنه لا تسبوا أصحاب محمد فلمقام أحدكم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. C'est pourquoi, mes frères, nous devons revenir vers la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces hommes, cette génération dont Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge dans le Coran en disant Allah subhanahu wa ta'ala a agréé, a été satisfait des croyants qui ont fait le pacte de Shajara. Il s'agit des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, cette génération dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, les meilleurs des hommes, après les prophètes, sont ma communauté, sont mes compagnons, et ceux qui les suivent, et ensuite ceux qui les suivent. Et cette génération, Ibn Omar radiallahu anhu disait, n'insultez pas les compagnons du prophète, car un moment de l'un d'entre eux vaut mieux qu'une vie, que les actes faits dans une vie de l'un d'entre eux. Wa min ajli hadha wa ghayrihi yakun ad-dars al-yawma في سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما حول الأخوة المفقودة اليوم مع الأسف الشديد أو القليلة ولعلها تحفظنا بالتأسي بهم والسير على منهاجهم ولتدفعنا إلى العمل الدائب المستمر وعسانا بذلك نجني ثمار حبهم عملا صالحا وأخوة صادقة ومحبة نقية. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler sur la vie des compagnons du prophète Mohammed sallam. Mawaqif min hayat. Les enseignements, des leçons à tirer sur la vie des compagnons du prophète sallam ou une partie de leur vie. Très certainement, ça nous incitera à les prendre comme modèle et à suivre leur voie et leur chemin. Et aussi, nous allons cueillir les fruits de leurs amours. Les fruits de leurs amours, nous allons cueillir al-amal al-salih, la bonne pratique, al-ukhuwa al-sadiqa, la fraternité honnête, sincère, wal-mahabbati al-naqiyya. Et la mahabba, l'amour que les musulmans doivent avoir les uns envers les autres. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur un récit de la vie des compagnons, récit riche d'enseignements, riche de leçons à comprendre, à méditer, à mettre en pratique dans la vie de tous les jours, dans notre vie quotidienne. Il s'agit de مؤاخاتو الرسول صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن ابن عوف وسعد ابن الربيع. Il s'agit de la fraternisation que le prophète صلى الله عليه وسلم a fait entre عبد الرحمن ابن عوف وسعد ابن الربيع. Et comme vous le savez, lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم a émigré à Médine, il a édifié une nouvelle société, Mujtama' Jadid. Lam yashhad lahu mithlahu at-tarikh, que l'humanité n'a jamais connu auparavant. une société basée sur le livre d'Allah, le Coran, et sur la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour atteindre cet objectif, le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à Médine, il a pris une série de mesures et de directives, parmi lesquelles, awalan bina'ul masjid, la construction d'une mosquée, lieu de rencontre entre les musulmans, lieu d'apprentissage et lieu de ibad, lieu d'adoration, où on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième directive que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, عقد المعاهدة مع المشركين ومع اليهود. Il a fait des pactes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les mushrikines, les non-musulmans, et en particulier avec les juifs, les trois tribus qui existaient à l'époque, Banu Nadir, Banu Qaynaqa' wa Banu Qurayza. Et le troisième, la troisième de ces directives, al-ijra'at al-thalitha, yani al-mu'akhat bayna al-muhajirin wa al-ansar. Là, ce qu'on appelle la fraternisation entre un muhajir, la personne qui a immigré vers Médine, et un ansar, la personne qui a accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam et les sahaba radiyallahu anhu. Et aujourd'hui, on va s'arrêter autour de mu'akhat al-rasoul bayna Sa'd, bayna Abd al-Rahman ibn Awf radiyallahu anhu, wa Sa'd ibn al-Rabi' radiyallahu anhu. Mais avant de commencer dans le récit rapporté par al-Bukhari, qui est Abd al-Rahman ibn Awf et qui est Sa'd ibn al-Rabi'? Très succinctement, très rapidement. Abd al-Rahman ibn Awf radiyallahu anhu, c'est un Quraysh, c'est un homme de Quraysh. وأحد العشرة المبشرين بالجنة. Il fait partie des 10 personnes dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé qu'il sera au paradis. وأحد السابقين الأولين. C'est parmi les premiers des musulmans qui sont rentrés dans l'islam. Lorsque Abu Bakr radiallahu anhu est rentré dans l'islam, il est parti voir des amis intimes à lui et des personnes de Quraysh, parmi lesquelles Sa'd Abd al-Rahman ibn Awf. Et il a accepté. وشهد عبد الرحمن بن عوف بدر والمشاهد كلها. عبد الرحمن بن عوف a participé à Badr et à toutes les expéditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui montre la valeur. يعني صاحب رسول الله يعني حق الصحبة. Il a vraiment été le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam du début de la vie du prophète, du début de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abd al-Rahman ibn Awf était connu pour être un homme très fort dans le commerce, radiyallahu anhu. Et à sa mort, il a laissé comme héritage 1000 chameaux. C'est bien. Il a laissé 1000 chameaux, 3000 moutons et 100 chevaux. C'est bien. On va raconter son histoire lorsqu'il arrive à Médine, pourquoi il a fait. Et il a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam 65 hadiths radiyallahu anhu. Sa'd ibn Rabi' radiyallahu anhu, c'est un ansari, c'est un habitant de Médine, de la tribu de Khazraj. Les deux tribus à Médine, l'Aws et le Khazraj, et Sa'd ibn Rabi' faisait partie de Khazraj. Shahida bay'at al-aqaba al-thaniya. Il était là dès le début. C'est min al-awwalina min al-muhajir, min al-ansar. C'est parmi les pionniers, parmi les ansar, radiallahu anhu. Il a participé au pacte de l'Aqaba quand le prophète était encore à Mecca et qui s'apprêtait à partir pour partir à Médine et chercher un refuge. Et Sa'd ibn Rabi' a participé à Ghazwat Badr, radiallahu anhu, et il est mort à Ghazwat Uhud, radiallahu anhu. Passons maintenant à l'histoire. رواه الإمام البخاري في صحيحه عن إبراهيم عن إبراهيم ابن سعد عن أبيه عن جده قال قال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع. الإمام البخاري rapporte dans son صحيح que عبد الرحمن بن عوف dit lorsque nous sommes arrivés à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a fait frère entre moi et Sa'd ibn al-Rabi'. فقال سعد بن الربيع رضي الله عنه إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي وانظر أي زوجتين هويت نزلت لك عنها فإذا حلت تزوجتها. سبحان الله. Il dit, سعد بن الربيع, il dit, je suis l'homme, il dit عبد الرحمن بن عوف, je suis l'homme le plus riche de Médine, le plus fortuné de Médine. Prends la moitié de mes biens, tu fais les dents. Et je suis marié avec deux femmes. Regarde celle que tu préfères, et lorsque sa période de nidivité passera, elle ubda, je la divorcerai et tu te marieras. قال له عبد الرحمن لا حاجة لي في ذلك. قال له بارك الله لك في مالك. بارك الله لك في أهلك. الرحمن بن عوف lui a dit, je n'ai pas besoin ni de tes biens et ni de tes épouses. Qu'Allah mette la baraka dans tes biens et dans ta famille. هل من سوق فيه تجارة. Montre-moi où se trouve le commerce, le marché pour faire du commerce. فقال سوق قينقاع. Il est indiqué vers le souk de Qaynuqa. قال فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بإقط وسمن ثم تابع الغدو فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة. يعني زعفران يستعمله يعني من تزوج جديدا. يعني عبد الرحمن بن عوف لا demandé où se trouve le souk de Qaynuqa. Il a commencé à faire du commerce et il a commencé en amenant avec lui يعني أقط وسمن, c'est-à-dire du beurre fondu et salé. Il a commencé à faire du commerce avec ça. Et ensuite le lendemain il a continué jusqu'à ce qu'un jour عبد الرحمن بن عوف est venu près du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il avait sur lui أثر صفرة, c'est-à-dire l'odeur d'un parfum de زعفران que en généralement les gens qui venaient se marier mettaient. فقال له رسول الله تزوج. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu t'es marié? قال نعم. Il a dit, oui يا رسول الله. Il a dit, ومن? قال امرأة من الأنصار. Il a dit, je me suis marié avec une femme parmi les Ansar. فقال له رسول الله كم سقت يعني المهر. فقال عبد الرحمن بن عوف زينة نواة من ذهب أو نواة من ذهب. Il a dit, j'ai donné le poids d'un noyau d'or comme dot. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. والسلام a dit, fais un repas de noces, الوليمة, ne serait-ce qu'avec un mouton. أولم ولو بشاه. الحديث رواه البخاري. Aujourd'hui nous allons nous arrêter sur cette histoire. يعني نقف الآن مع هذا الحديث العظيم الصحيح وقفات ونأخذ منه مواقفا ودروسا وعبرا وفوائدا. Nous allons tirer cette histoire des profits, des leçons, des enseignements à mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. الفائدة الأولى أو الوقفة الأولى في قوله قول سعد بن الربيع إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مال. Lorsque عبد الرحمن بن عوف بن voir سعد بن الربيع, il lui a dit, je suis l'homme le plus fortuné de Médine. Prends la moitié de mes biens. لم يقول إني ذو مال ولم يقول إني ذو مال قليل ولم يبحث عن فتاوى ومعارض لإنكار المال ولم يقول إن علي ديونا كثيرة ليصد به أخاه أوليس هذا مع الأسف الشديد حالنا وشأننا يا إخوان. Regardez lorsque عبد الرحمن بن عوف est venu voir سعد بن ربيع. سعد بن ربيع lui a dit: je suis l'homme le plus fortuné de Médine. Il lui a pas dit: je suis un homme fortuné. Ou il lui a dit: j'ai un peu de bien, un peu d'argent. Ou il a cherché des fatwas pour ne pas lui donner de ses biens, pour partager avec lui. Ou il lui a de fausses excuses en lui disant: je suis une personne avec beaucoup de dettes. J'ai beaucoup de dettes. Pour ne pas aider son frère. Regardez, il l'a aidé. Malheureusement, nous aujourd'hui, c'est ça notre situation. On a du mal à aider notre frère, ne serait-ce en lui donnant 10 euros, 20 euros lorsqu'il est dans le besoin. Ne serait-ce qu'en lui faisant une dua lorsqu'il est dans le besoin. La faiblesse de la foi et le manque de ukhuwa entre nous. Deuxième faïda de ce hadith, dans la parole de Sa'd ibn Rabi', فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِ. Je vais te donner la moitié de mes biens. Sachant que Sa'd ibn Rabi' était l'homme le plus fortuné de Médine. La yuridu an yu'tiyahu darahima mahdoudatan ou dananir ma'douda. Walakin nisf al-mal. Ya lil 'ajabi min hadhihi an-nufus. Innaha nufus ghayru an-nufus allati nara wa nushahid wa na'rif. نفوس استمدت هذا الخلق الزكي من كتاب الله نفوس تأصلت التضحية فيها من نهج النبوة. سعد بن عبد الرحمن سعد بن ربيع رضي الله عنه n'a pas voulu lui donner quelques euros, quelques dinars ou quelques dirhams. Il a voulu lui donner la moitié de ses biens. Regardez ces gens. Wallahi, si quelqu'un ferait ça aujourd'hui de nos jours, on dirait c'est un fou. Sa'd ibn Rabi' serait-il fou? Wallahi, il n'est pas fou. Parce qu'il a grandi, il a été éduqué avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été habitué au sacrifice dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, c'est autre chose que notre situation à nous et la situation des musulmans aujourd'hui. On n'arrive pas à donner du temps pour notre religion. On n'arrive pas à donner du temps pour faire la prière à la mosquée. Regardez ces hommes qu'Allah Azza wa Jalla a choisis pour secourir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Innana ma'al asaf nara dhawil arham wal aqarib bi bu'dihim 'anid din qad aqsaw hadha at-ta'amul baynahum. كيف بسعد يفعل هذا مع عبد الرحمن بن عوف؟ إنها الأخوة في الله أخا آخ رسول الله بينه وبين سعد بن الربيع آخ رسول الله. وأي أخوة أعظم من هذه الأخوة؟ وأي ألفة أحسن من هذه الألفة؟ وأي محبة تفوق هذه المحبة؟ مؤاخاة رسول الله لهما مؤاخاة الدين. يا لها من مؤاخاة في الله أذابت المادية وصهرت الموازين الباطلة. Aujourd'hui, malheureusement, les gens de la même famille, des frères entre eux, pire encore, les enfants envers leurs parents, à cause de leur éloignement de leur religion, ils n'arrivent même plus à céder entre eux, à donner quelques euros ou un peu d'argent à leur famille, à leurs frères ou à leurs sœurs, lorsqu'ils sont dans le besoin. Comment Abd al-Rahman ibn Auf, ou comment Sa'd ibn Abd al-Rahman ibn Auf a pu-t-il faire ça la moitié, à vouloir donner la moitié de ses biens. C'est ce qu'on appelle al-ukhuwa fillah. C'est ça al-ukhuwa fillah qu'on parle tous les jours et qu'on entend dans le livre d'Allah et dans la sunna du Prophète. هذه هي الأخوة تحققت في زمان رسول الله بين أصحابه. الأخوة cette fraternité s'est réalisée à l'époque du prophète entre les compagnons رضي الله عنهم. Cette أخوة que le prophète a fait entre les musulmans, entre les Ansar et les Muhajirin. Cette أخوة, cette fraternité qui a fait disparaître, qui a consommé, qui a fait fondre le matérialisme, qui a fait fondre toute les règles que les gens ont inventées aujourd'hui pour empêcher d'aider son frère. Inna tamassuka bihablillah yunaqqil qulub wa yaj'aluha tatatalla'u ila as-sama' wa yaj'aluha tanzuru lil akhirah yaj'aluha tasiru fi darb al-ithar wa tariq at-tadhhiyah wa sabil al-wafa' wal-badl wal-ata' duna kalal aw Le fait de s'attacher à la corde d'Allah, qui est le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, purifie le cœur et fait que le cœur et la personne regardent l'akhira, regardent ce qui va se passer dans l'akhira, dans l'au-delà. Et elle habitue la personne à sacrifier, à donner, à partager pour rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. هل أراد سعد أن يضيع ماله؟ Celui qui entend cette histoire peut se demander est-ce que Sa'd a voulu jeter par la fenêtre ses biens qu'il a gagné à la sueur de son front? لا والله بل هذه وسيلة طيبة لاستثمار المال وعدم تعطيله إنه الاستثمار في الدار الآخرة انظر إلى من يملكون آلاف آلاف الألوف أو آلاف الآلاف كيف أضاعوا آخرتهم إنهم على القواعد التجارية لم يحسنوا استخدام أموالهم بل وجمدوها وكيف ذلك celui qui entend cette histoire peut se dire mais Sa'd a voulu gaspiller son argent. Wallah, il n'en est rien de tout cela. Sa'd a compris que c'était un moyen pour faire fructifier son argent. C'était un investissement. Un investissement qu'il va retrouver Yawm al-Qiyamah lorsqu'il en aura besoin. Yawm la yanfa'u malun wa la banun illa man Allah le prophète. Le jour où ni l'argent, ni les familles ne seront aucune utilité. Sauf celui qui vient chez Allah avec une prostitution. Allah subhanahu wa ta'ala a dit tahirakum ibadah. Regardez aujourd'hui ceux qui possèdent des millions et des milliers d'euros, ou même aujourd'hui même ceux qui possèdent des centaines d'euros. Ils ont délaissé leur din pour leur din. Ils n'ont pas su utiliser leur argent. Ils vivent selon al-qawa'id al-tijari, les règles commerciales, qui sont loin du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et loin de la sunna du prophète. Ils ne savent même pas utiliser et faire fructifier leur argent. Comment ça ? هذا الذي يملك المبالغ الضخمة العظيمة ماذا سيصرف هو وأبناؤه منها في الطعام والشراب واللباس والبناء ونحو ذلك qui possède des milliers et des milliers d'euros. Combien va-t-il gaspiller, lui et sa famille, dans la nourriture, dans la boisson, dans les vêtements ou dans la construction de sa maison ? Va-t-il tout utiliser ? هل سيأخذ أكثر من حاجته ؟ وماذا الذي استفاده من الباقي ؟ الاحتفاظ ، الاحتفاظ بأرقام وهمية فقط لا تغير في حياته إلا السمعة والرياء كم سيارة يركب من يملك مئات سيارة أو ألف سيارة مثلا regardez celui qui a beaucoup argent. Il utilise dans ses biens. Même s'il possède 1000 voitures ou 100 voitures, combien réellement de voitures va-t-il utiliser? Une seule voiture. Celui qui achète 1000 maisons, 100 maisons, 10 maisons, combien de maisons va-t-il acheter? Une seule maison. Et tout ça, c'est pour montrer sa richesse et pour montrer, parce qu'aujourd'hui, ce qui fait la valeur d'un homme, malheureusement, c'est sa richesse et c'est son rang social. وإذا ما وضع أمامه عند الغداء مئة دجاجة مشوية ومئة خروف محشوي فماذا سيأكل منها؟ Si tu lui poses 100 poulets ou si tu lui poses un mouton garni مشوي, combien va-t-il manger? Il va manger ce qu'il a besoin. أم يقضي وطره من الموجود ويذر الباقي؟ فلو أن هؤلاء الأغنياء الأثرياء الموسرين أو الموسورين أنفقوا في سبيل الله لكان خيرا لهم في دينهم ودنياهم فكان الثرى حليفهم في الدنيا والآخرة. والله si les gens fortunés, si les gens qui sont à l'aise et les gens aisés dépensaient leur argent dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça serait mieux aussi bien pour leur dunya que pour l'akhirah. Car cette fortune et cette richesse seraient leur allié dans cette vie et seraient leur allié يوم القيامة. ثم لا يستحق هؤلاء الحسد الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فأنفقه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار. Et ces personnes, s'ils avaient utilisé leur cet argent dans le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ils mériteraient la jalousie qui est permise, dans l'envie qui est permise dans l'islam, celle où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith: il n'est permis d'envier une personne que pour deux choses. Une personne à qui Allah a donné le Coran, que le Coran il le met en pratique, et qu'il le met en pratique et qu'il le lit le jour et la nuit. Et le deuxième homme, un homme à qui Allah a donné des biens, et il le dépense le jour et la nuit dans les endroits qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Leçon suivante de cette histoire. La parole de Sa'd ibn Rabi'. وَانْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيْ هَوَيْتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا فَإِذَا حَلَّتْ فَزَوْجْتَهَا. Il lui a dit: choisis une de mes épouses, celle que tu préfères. Et lorsque sa période de nidivité arrive, je la divorcerai, tu te maries. هَلْ قَائِلُ هَذَا من البشر القائل هذا من لحم ودم هذه القصة حصلت في عالم الواقع أجل قائله من البشر جسمه من لحم ودم ولكنه عاش مع كتاب الله وتربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم عاش مع العلم والعمل والإخلاص. Est-ce que celui qui dit ça, c'est un être humain? Et est-ce que cet homme, il est fait de sang et de chair? Et est-ce que cette histoire a vraiment existé? Wallahi, cette histoire a vraiment existé. Et cet homme, ces hommes-là, c'était des hommes faits de sang et de chair. C'était des êtres humains comme nous. Mais la différence, c'est qu'ils ont vécu avec le livre d'Allah. Ils ont été éduqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont été éduqués selon la science, l'ilm, l'amal, et la pratique, et l'ikhlas, et la fatigue. Shu'urun bil ladhati wa huwa yufarriju karba akhih. Ihsasun bil mut'ati wa huwa yunaffisu masaba. radiallahu anhu. Regardez, il prend un plaisir à soulager la peine de son frère. Il éprouve une jouissance à chasser les soucis de son frère. Ma kana mithlu haula'i liyazhadu bi nisa'ihim li'annahum kanu khayran nas bi nisa'ihim wa afadiluhum wa kanu khayran nas li nisa'ihim radiyallahu anhu. وأمثالهم لا ينسون قوله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لنسائه لأهله وأنا خيركم لأهلي. Ces gens-là, sahaba radhi anhum, ce n'est pas des gens qui renonçaient à leurs épouses comme ça et qui donnaient au premier venu leurs épouses. Ils avaient le ghira, ils avaient une jalousie pour leurs épouses. Et c'était des gens qui étaient les meilleurs des hommes avec leurs épouses. Parce qu'ils ont entendu la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Le meilleur d'entre vous sont les meilleurs avec leurs épouses. » Et le prophète disait « Et moi je suis le meilleur qui se comporte avec ses épouses. » « Innahu ma'a hubbihim wa wafa'ihim li zawjatihim yuqaddimuna hubb Allah ala hubb nisa'ihim. Innahu ma'a hadha al-hubb al-jam yu'thiruna ridwan Allah azza wa jal. » على هذا الود إنهم مع رقة مشاعرهم وصدق أحاسيسهم ووفائهم لنسائهم يؤثرون إخوانهم وأحبابهم طمعا فيما عند الله تبارك وتعالى. Ces hommes, malgré leur loyauté, leur fidélité, leur honnêteté envers leurs épouses, ils mettaient toujours devant la religion d'Allah avant l'amour de toutes choses, même l'amour de leurs épouses. Ils mettaient la satisfaction d'Allah devant toutes choses. Et pourtant, ils avaient une délicatesse dans leurs sentiments. Ils avaient des sentiments sincères envers leurs épouses et une fidélité infaillible envers leurs épouses. Mais ils ont favorisé leurs frères qui étaient dans le besoin. Pour quelle raison ? طمعاً فيما عند الله. En recherchant la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala, en recherchant le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. اسمعوا يا من تبحثون لبناتكم عن أزواج أتبياء غير سائلين عن دينهم. اسمعوا يا من تبحثون لبناتكم عن ذوي الجاه والمناصب والسمعة قول سعد رضي الله عنه. اسمعوا يا من تتعذرون بالمعاذير الكاذبة عندما يأتي الفقراء يخطبون بناتكم معاذير استكمال الدراسة وأخواتها من الأكاذب تنازل عن الأموال والنساء. Fermons les yeux sur leur religion. Prennent des leçons de cette histoire. Que ceux qui recherchent pour leurs enfants, pour leurs filles, des gens très fortunés, pour avoir atteindre un certain rang, ils prennent des leçons à tirer dans la vie, dans les paroles de Sa'd ibn Rabi'a radiallahu anhu. Et que ceux, lorsqu'une personne vient demander, lorsqu'un homme pauvre, mais quelqu'un qui a la religion d'Allah en lui, vient demander sa fille en mariage, il refuse ou il donne comme excuse des excuses fausses, comme le fait de terminer les études ou d'autres excuses encore. Tanazala anil amwali wa nisa. Ce compagnon a délaissé, a cédé ses biens, ses épouses et son épouse pour عبد الرحمن بن عوف. فهلا تنازلنا عن أموالنا للفقراء والمساكين والمحتاجين؟ هلا ساعدنا الشباب الضامي للزواج ليغض بصره ويعوف نفسه ويحسن فرجه؟ نساعدهم بالأموال وبكل ما نستطيع ولو بالدعاء. لا نعقد أمامهم الزواج بالمؤجل والمعجل وإقامة الحفلات الغالية. pourquoi nous ne sommes pas prêts à céder, nous, pour les gens pauvres et pour les gens nécessiteux de nos biens. Ne demande pas que tu divorces de ta femme et tu la donnes à quelqu'un. Ou de donner la moitié de ton argent. Aider ton frère, la personne qui est dans le besoin, la personne qui est pauvre, tu l'aides avec un petit peu de ce qu'Allah t'a donné. Ou d'aider un jeune qui veut se marier, qui est assoiffé par le mariage, afin de faciliter et qu'il ne tombe pas dans le haram. L'aider avec un peu de notre argent, ou même en faisant des du'as en sa faveur. Et sans compliquer pour les gens qui sont pères des filles, en mettant des conditions difficiles et en faisant de grandes cérémonies très très très chères. قال له عبد الرحمن لا حاجة لي في ذلك هل من سوق فيه تجارة قال سوق قينقاع سبحان الله لم يستغل عبد الرحمن ابن عوف أخاه ولم يقل في نفسه إن أخي أكثر الناس مالا فلو أخذت شيئا منه لما ضره لم يقبل المال فكيف يقبل أهله بيد أنه سأله عن السوق ليسد حاجته ويستر نفسه regardez عبد الرحمن بن عوف parce que سعد بن ربيع lui a proposé sa femme, lui a proposé la moitié de ses biens. Il n'a pas dit ah, je suis tombé sur un bon morceau, je vais en profiter. Il a dit لا حاجة لي في je n'ai pas besoin de tes biens. Et garde tes femmes et tes biens et qu'Allah te mette la bénédiction dans ta famille et dans tes biens. Il lui a dit où se trouve le marché. Il n'a pas profité de la situation. Il n'a pas dit mon frère, c'est le plus fortuné de Médine. Si je lui prends la moitié de ses biens, ça va rien diminuer dans sa richesse. Il n'a même pas accepté ses biens. Comment veux-tu qu'il accepte ? Impossible. Au contraire, qu'a-t-il fait? Il a donné une leçon. Sa'd ibn Rabi' nous a donné une leçon et Abd al-Rahman ibn Awf radiallahu anhu nous a donné une leçon. Il a dit, il se trouve le marché, je vais aller faire ce marché et Allah va nous donner ma richesse. Al-Istirna' al-Innas. Wa kadhalika fa'al. وبارك الله له ويسر الله له الزواج والله تعالى في عون العبد في عون من أراد النكاح يعف نفسه وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونه الناكح الذي يريد العفاف والمكاتب الذي يريد الأداء والغازي في سبيل الله يا عبد الرحمن بن عوف c'est ce qu'il a fait. Il s'est dirigé vers le marché et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la baraka dans ses biens. Il lui a donné la baraka dans ses biens et lui a facilité le mariage. Et Allah subhanahu wa ta'ala facilite à ceux qui veulent se marier et rechercher la chasteté et ne pas tomber dans le haram. Ceux qui, les frères qui veulent se marier et aujourd'hui les choses se compliquent, sache que par ta chasteté et si tu recherches la chasteté et le mariage, Allah va te laisser. C'est pas Amr, Bakr ou Zayd qui va t'aider, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, le hadith a été authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Trois personnes méritent l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces trois personnes, An-nakihu alladhi yuridu al-afaf, celui qui se marie, qui recherche le mariage, et dans le mariage, il recherche la chasse. Il ne veut pas tomber dans le haram. Le deuxième, Al-mukatibu alladhi yuridu al-ada, celui qui, lorsqu'il y a des dettes, les écrit les dettes, et qui recherche réellement à les rembourser. Allah va lui faciliter la vie. Wal ghazi fi sabilillah. Celui qui al-Razi fi sabilillah. Regardez, Abdurrahman ibn Awf, radiallahu anhu, lorsqu'il arrive à Médine, il a laissé tous ses biens. Il était parmi les gens qui ont fait la hijra, al-Habasha, radiallahu anhu. Et dès qu'il y a eu l'occasion de faire la hijra à Médine, il a fait la hijra à Médine, radiallahu anhu. Il a rejoint le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a laissé tous ses biens, radiallahu anhu. C'était un homme fortuné. Et lorsqu'il est arrivé à Médine, il n'avait rien du tout. Et Allah Azza wa Jal l'a envie. Comme on a dit, le jour où il est mort, il a laissé 1000 chameaux, 3000 moutons et 100 chevaux. Et dans beaucoup de moments dans l'histoire des musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait besoin pour al-jihad fi sabilillah, il avait besoin d'argent et de biens. Et Abdurrahman ibn Awf et Sa'd ibn Abi Waqas étaient parmi, et Abu Bakr radiallahu anhu et Omar ibn Khattab étaient parmi ceux qui donnaient toujours de leurs biens et de leurs biens, et Allah Azza wa Jal leur a rendu. Ce compagnon fait partie de Al-Mubashirin ibn Jannah. هذه هي النفوس العفيفة النقية الطاهرة هذه هي النفوس الصفية الطيبة. Ces personnes-là, Allah, c'était des personnes dont l'âme était pure, dont l'âme était c'est des personnes qui ont été éduquées selon le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لقد سجل هذان الصحابيان الجليلان مواقف مضيئة في صفحات التاريخ ستظل تشرق في النفوس فتحفزنا على الإيثار والوفاء والعمل الطيب والتوكل على الله فبأي منها تشبأت أفلحت بإذن الله تعالى. والله سبق فني وانسكريت dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité, des leçons à retenir pour tout être humain, pour tout homme ou pour toute femme, et en particulier pour les musulmans et les musulmanes. Et ces histoires doivent nous inciter, doivent nous pousser à donner du temps, à donner de notre argent pour la religion d'Allah tabaraka. Et sache que quel que soit celui que tu imites, que ce soit Abdurrahman ibn Awf ou bien que ce soit Sa'd ibn Rabih, aflah, tu seras parmi les gagnants. Comme dit le sha'ir, fatashabbahu bihim illam takunu mithlahum inna tashabbaha bil kirami falah. Imite-les, ressemble-leur, ressemblez-leur, ressemblez aux compagnons ou aux salihin. Illam takunu mithlahum, si vous ne pouvez pas être comme eux, au moins imitez-les. Fa inna at-tashabbuha bil kirami falah. Parce que imiter les gens nobles, c'est déjà un succès en soi. Et en conclusion, mes frères, i'lamu anna hadhihi al-ukhuwa ni'ma min ni'amillah. On doit croire et on doit savoir que al-ukhuwa fillah, al-ukhuwa, la fraternité en Allah, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une ni'ma min ni'amillah. Allah subhanahu wa ta'ala dit: wa alafa bayna qulubihim walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta bayna qulubihim ولكن الله ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset: et il a uni leur cœur, et si tu dépensais tout ce qu'il y a sur terre pour unir le cœur des gens, tu n'arriverais pas. ولكن الله ألف بين, mais c'est Allah qui a uni et réconcilié. إنه عزيز حكيم. الله إيه عزيز يا الله سبحانه وتعالى puissant يا الله سبحانه وتعالى. وهذه الأخوة ما حققت ولا تتحقق ولن تتحقق إلا بالعودة إلى كتاب الله وإلا بعودة إلى سنة رسول الله وبالعودة إلى منهاج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Et cette أخوة ne pourrait être possible qu'en revenant sur le livre d'Allah, sur la voie du prophète sallam et sur le chemin des compagnons du prophète sallam. Et c'est uniquement, ça doit faire partie de notre croyance, c'est uniquement en nous revenant vers l'islam et en suivant le chemin tracé par le Coran et la Sunna que l'ukhuwa sera possible et qu'elle sera. C'est que comme ça. Et c'est uniquement en suivant ce chemin qu'on évitera et qu'on mettra fin aux divisions, aux désaccords et aux querelles que connaissent cette Ummah et que connaissent les musulmans aujourd'hui. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous cite le cas de la tribu de l'Aws et al-Khazraj. Deux tribus de Médine entre lesquelles régnait l'animosité, régnait la haine et les querelles, la guerre pendant plusieurs décennies. Qui mit fin à cette guerre? Qui a changé cette animosité en amour, en fraternité? Qui a changé cette haine en amour? C'est l'islam et uniquement l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Allah dit: وَذْكُرُوا, et rappelez-vous, نعمت الله عليكم, نعمة الإسلام, نعمة القرآن, نعمة السنة, نعمة رسول الله. Et souvenez-vous du bienfait d'Allah, le bienfait de l'islam, le bienfait du Coran, le bienfait du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. Et souvenez-vous du bienfait d'Allah lorsque vous étiez des ennemis et Allah a réconcilié vos cœurs. فأصبحتم بنعمته بنعمته بنعمته إخوانا. Et par ce bienfait, le bienfait de l'islam, vous êtes devenus des frères. C'est uniquement par cette voie, par ce chemin-là, qu'on va aujourd'hui mettre fin à toutes les querelles et toutes les divisions que les musulmans ont connues, en revenant vers al-aqida as-sahiha, vers la croyance correcte, vers al-ibada. La ibada basée sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en revenant vers le comportement et le caractère noble qui est le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons radiyallahu anhum. Wa bihada al-qadri kifaya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin.